1-1. La news tourne, t'es carré dans tous les médias. J'ai pris cette fiche de placouze en comparution immédiate. J'suis primaire, ces fils de pute m'ont allumé. Y'a pas pire, pas savoir quelle sera la balance à fumer. La douane m'a mis un ward à 10 minutes de chez One. 45 kills de marijuana, j'ai charge dans le série One. J'avais perquis, puis t'es fait reparquer, n'est-ce pas. J'ai mangé 7, mais j'irai clé pour le tout, n'est-ce pas. Sur le plan, ça devait être dose à ma place. J'en voulais trop, tu connais le cash, appelle le cash, monnaie. J'voulais ma bosse avec le frollo et mes rails. T'as pas le profil, du profil, mon 45 rails. J'suis pas le best, moi j'suis un rat de ma thèse. Caractère forgé, j'ai le mort, c'est pour ça que j'encaisse. J'suis pas un chien, moi, j'ai sur qui compter dehors. J'ai mon pire de chez pire, yeah, mon gars dossé. Bien, bien, on prend le terrain, il faut mailler. Si tu trouves qui m'a mis dans ce trou, cousin, beau mailler. Pepe Rose à la base, nature posée. Cousin, les couilles, j'ai les portes pour faire du bif, faut oser. NR m'a prévenu là, gourmandise ma huge, j'en grossis la poisse, laissez ma mif dans l'angoisse. Les frères bis, quitte à finir au placouze. Les frères te trahissent pour éviter le placouze. Tu croyais quoi, que t'étais à l'abri du placouze. Pour tous les mecs de death qui croupissent dans un placouze. Les frères bis, quitte à finir au placouze. Les frères te trahissent pour éviter le placouze. Tu croyais quoi, que t'étais à l'abri du placouze. Pour tous les mecs de death qui croupissent dans un placouze. Y'a être flic dans les parages comme si le maire t'ait fait assassiner. Gros ce matin là, j'savais qu'un ralos t'ait fait soulever. De placouze, rail pour 45 kilos de peu. La peine elle est trop lourde. Et mère ou pas, la juge n'a pas hésité. La gourmandise des affaires prohibées. T'as bien scié les jambes à cause d'un chien de la casse. T'as pas eu les couilles de tenir sa langue. Ça me casse les couilles, j't'avais parlé pour éviter le drame. Parfois faut que l'homme se brûle pour qu'il comprenne que le feu est bad. Man, malgré ton absence, le terre-terre respire encore. On s'est repris le relais, mais tu connais ton boug, il a le mort. Ton cas est critique, ça m'y freine, les gros jaloux. Redonner l'aspi aux médias, frère. Pour remixer ton histoire de fou. Si pas, c'est pas. Là, je sais de quoi je te parle au tribunal. T'es avec tes bras, t'as pour coffre personne comme Ascar là. Garde la pêche bébé, fais tes selfies comme un gangsta. On sort la tête haute et laisse tomber les versa. T'as vu le bise, ramène les ennuis. Mais que le vrai luxe c'est la liberté. Tu réfléchis sur ton sort toute la nuit. Mais le bâtard qui t'a doublé n'est pas un inconnu. Et ça tu le sais. Les frères bise, quitte à finir au placouze. Les frères te trahissent pour éviter le placouze. Tu croyais quoi, que t'étais à l'abri du placouze. Pour tous les mecs de death qui croupissent dans un placouze. Les frères bise, quitte à finir au placouze. Les frères te trahissent pour éviter le placouze. Tu croyais quoi, que t'étais à l'abri du placouze. Pour tous les mecs de death qui croupissent dans un placouze. Les kids descendent comme la mort, on me demande jamais d'invite pour se pointer. On est psychologiquement prêt dès notre premier pas sur le rinté. Parfois on gagne, souvent on se perd, mais c'est le Nesby. Le frelot s'est mangé cette piche, sûrement que cette truie qui servait de juge n'avait pas pris son coup depuis. Mais bref, je sais que le poteau assume comme un homme. Et moi je gère niveau financier, que sa détention se passe dans les normes. Les affaires continuent de tourner, wesh y'a pas eu de mort non plus. Toujours des boulots qui a plu, je passe un peu de pilon à sa fouf. Chaque fois qu'elle va le check au parlu, sa daronne ne me parle plus. Crois dur comme fer que c'est de ma faute. Si à cette heure-ci son piston croupit en quatre. Cette pauvre femme, qu'est-ce qu'elle a cru. C'est moi qui tenais par la queue quand il allait fourrer. Avec tout le respect que je lui dois, qu'elle vienne pas me saouler. NAR lui me fait bien rire, à tout le temps jacté dans le crâne. Comme s'il faisait pas la même avant. Moi je vois mon avenir dans les grammes. Ventre affamé n'a plus d'oreille en temps de crise. Plutôt crever que ramper. Attends le retour du Christ, laisse-moi bosser en paix. Pepe Rose, c'est moi qui lui a pris le bise à la base. Une fois au top, il m'a mis à gauche. Et n'a fait de moi que son vulgaire bras droit. Je le brûle pour mon frère. Mais d'où t'as plus de marche que moi, négro. Franchement, tu crois quoi. Je n'ai pas son âge qui n'oublie pas ça. Le vrai, c'est qu'à cette passe là, je devais être sur le coup. Mes connaissances à dalle de passera. Je l'ai laissé faire le fou. Et y'a les seuls, tu capes là. 45 kills de marijuana. Transac, coup de fil anonyme. Hein, pris la main dans le sac, direction le car plat. Maintenant c'est moi qui baisse sa meuf et gère le rinté. Yeah. Les frères bis, quitte à finir au placouze. Les frères te trahissent pour éviter le placouze. Tu croyais quoi, que t'étais à l'abri du placouze. Pour tous les mecs de death qui croupissent dans un placouze. Les frères bis, quitte à finir au placouze. Les frères te trahissent pour éviter le placouze. Tu croyais quoi, que t'étais à l'abri du placouze. Pour tous les mecs de death qui croupissent dans un placouze. Les frères bis, les frères bis, les frères te trahissent, frères te trahissent. Tu croyais quoi, tu croyais quoi. Pour tous les mecs de death qui croupissent dans un placouze.